Bonjour à tous et à toutes, c'est Aurélien. On se retrouve cette semaine encore pour un nouveau coup de cœur. Et cette semaine, je vais vous parler de Pokémon. Donc, notamment la dernière, le dernier opus, donc, qui s'appelle Pokémon Let's Go, Pikachu ou Evoli. C'est au choix. Donc, ce dernier jeu Pokémon, c'est en fait un remake de Pokémon Jaune, donc l'un des premiers Pokémon tout au début de la licence, qui se jouait sur Game Boy. Donc vraiment un truc assez ancien, on va dire, pour les personnes assez jeunes comme moi. Donc évidemment, le jeu a été amélioré en tout point, hein. Il y a plus de sauvegardes, les graphismes ont été améliorés, la durée de vie a été améliorée et compagnie. Donc vraiment que du plus pour ce jeu, évidemment. Donc pour ceux qui vivent très loin au fond d'une grotte, je vais vous expliquer en gros c'est quoi Pokémon. Donc en gros, pour ceux qui vivent très loin au fond d'une grotte, je vais vous expliquer en gros c'est quoi Pokémon dans une version un petit peu caricaturée. En gros, toi, t'es un enfant de 12 ans, tu vois, et tes parents, ils en ont marre de toi. Alors du coup, ils disent, allez, va chercher des Pokémon, mon enfant, va chercher. Alors du coup, toi, tu pars tranquillement chercher des Pokémon, hein, en sachant que t'as un rival, un mec qui t'aime pas, qui veut toujours se battre contre toi. Donc, arrivé là, tu captures des Pokémon, tranquillement, t'en captures plein de petites bêtes toutes mignonnes. Tu les fais monter de niveau en te battant avec d'autres petits Pokémon, tranquillement. Une fois que tu as atteint un niveau pas trop mal, tu vas te battre dans des arènes. Donc, elles sont comptabilisées au nombre de 7 ou 8 dans chaque région, on va dire. Une fois que tu as battu les 7 ou 8 arènes, que tu as un niveau plutôt pas mal, tu as récupéré tous les badges, tu peux aller à la ligue. Donc, rappelons bien que tu es un enfant de 12 ans, que tu joues à quand tu chasses des Pokémon depuis quelques mois, et que tu vas battre des gens qui littéralement chassent des Pokémon depuis plusieurs dizaines d'années, normal. Voilà. Ensuite, tu arrives à la ligue, tu bats les 5 personnes les plus fortes de toute la région. Plutôt pas mal, sachant qu'entre temps t'as capturé un Pokémon légendaire, donc littéralement un Pokémon totalement unique, super puissant, et tu as défoncé et tu as battu tout un clan de personnes pas très sympathiques qui persécutaient toute la région. Normal quoi, sans oublier que tu as 12 ans et que tu chasses des Pokémon depuis à peine quelques mois. Tout à fait logique. Voilà. En gros, c'est ça Pokémon, si vous voulez un résumé un peu caricaturé du jeu. Bien évidemment, on parle pas de tous les mangas ou séries autres. Enfin, je parle que du jeu. Et voilà, vous avez Pokémon. Et donc, ce volet-ci de Pokémon, Pokémon Jaune, va se passer dans la région de Kantos. Et les méchants seront les emblématiques, la Team Rocket, ce sera les emblématiques, on va dire. Et les Pokémon légendaires à capturer seront évidemment Mewtwo et Mew, si vous avez 50 euros à dépenser en plus. en Pokémon un petit peu secondaire, Sulfura, Elector et Articodin. Donc le trio d'oiseaux un petit peu complètement pété, là, vous voyez. Et franchement, je recommande très fortement ce jeu. Donc, outre que ça fait une excuse en plus pour acheter la Nintendo Switch, parce qu'il est que sur Nintendo Switch, console, soit dit en passant, plutôt pas mal, même si les PC sont mieux. Ce jeu, en fait, a été simplifié et les graphismes améliorés. Je m'explique. Sur DS, déjà, les graphismes étaient pas tip-top. Hein. Voilà, là, sur Switch, ils sont vachement mieux. Mais surtout, le jeu était plus complexe, il y avait une stratégie un peu plus élevée, on va dire, et surtout pour monter ces Pokémon level 100, vous voyez, il fallait farmer longtemps. Moi, dans les versions antérieures, vu que j'ai joué à beaucoup de versions antérieures, j'ai mis beaucoup de temps pour mettre juste mon équipe level 100, d'accord. Alors que là, dans ce Pokémon, j'ai déjà mis toute mon équipe level 100, j'ai mis encore 8 ou 9 autres Pokémon level 100. Il y a vraiment. Le jeu était un peu simplifié pour les personnes qui voudraient moins jouer et avoir tout autant de plaisir en jouant Pokémon. En sachant qu'en plus, ils reprennent Jaune dans le sens vraiment où on peut se balader avec nos Pokémon à côté de nous. Et après la Ligue, on peut encore aller affronter des champions. En gros, il faudra que c'est encore des personnes, mais qui maîtrisent seulement un Pokémon en particulier, vous voyez. Donc, c'est encore des dresseurs en plus à affronter. Mais, chose que je trouve un petit peu dommage par rapport aux autres Pokémon, mais qui en même temps rapporte de la nouveauté, c'est que les Pokémon sauvages, déjà, ils sont plus cachés en mode ninja dans l'autre herbe, on les voit, Donc on peut choisir de les affronter ou non. Mais surtout, quand on va attaquer un petit peu un Pokémon sauvage, en fait, on n'est pas obligé de le capturer. Enfin, on ne peut que le capturer. On ne peut pas l'affronter. On n'a pas nos Pokémon pour les affronter comme dans les versions antérieures. C'est soit tu les affrontes pas, soit tu les affrontes et tu fuis, soit tu les captures. Terminé, il n'y a pas de combat. Les seuls combats que tu peux avoir, c'est contre les autres dresseurs sur la route, contre la Ligue, les experts, la Team Rocket et compagnie. Mais les Pokémon sauvages, tu ne peux pas les capturer. Et il y a aussi un truc génial. C'est que si vous connaissez un petit peu les Pokémon, vous devez connaître les Shiny. En gros, les Shiny, ce sont des Pokémon d'une couleur différente. Et c'est tout. C'est juste des Pokémon super rares d'une couleur différente. Du coup, évidemment, les gens veulent avoir des Shiny, vous voyez, parce que c'est super rare et tout. Bon, de base, la chance d'avoir un Shiny, elle est de 1 sur 4096. C'est peu. Enfin, c'est dur d'avoir un Shiny, vous voyez. Et dans ce Pokémon, si on allie le super objet que te donne un scientifique après avoir complété le Pokédex, plus un parfum, et plus les chaînes, parce que moi tu peux faire des chaînes de Pokémon, quand tu captures que le même Pokémon, c'est pas jusqu'à 42, bon. Quand tu rassembles tout ça, tu es à une chance sur 273. C'est peu. Du coup, il y a moyen d'avoir beaucoup de Pokémon Shiny, ce qui est extrêmement cool. Parce que dans les autres versions, pour en avoir, c'était compliqué. Et je n'ai même pas parlé du fait que cette version, on peut transférer tout. Si jamais vous avez joué à Pokémon Go, vous pouvez transférer tous vos Pokémon de Pokémon Go à Pokémon Let's Go, Pikachu et Evoli. Ce qui fait que si vous étiez à un niveau plutôt papier des hannetons et que vous aviez pas mal de Pokémon assez puissants et des légendaires, qu'on se le dise, vous pouvez tout transférer sur Pokémon Let's Go, donc le jeu Nintendo Switch. Donc ça peut être plutôt pas mal, ça peut être une petite aide pour compléter le Pokédex, on va dire. Et par contre, la chose grandement négative que je trouve, c'est que pour jouer en multi et faire des combats stratégiques, il faut payer. Comme vous le savez sûrement, Nintendo, depuis plusieurs semaines, a sur sa Nintendo Switch, enfin un peu comme la PlayStation, en gros, il faut avoir recevoir un abonnement pour jouer en ligne. Sauf que du coup, à Pokémon, quand on a fini le jeu, on ne peut pas jouer, faire des combats en ligne. Vous voyez, c'est amusant, on veut faire un petit peu de stratégie, ça peut être pas mal. Or là, il faut payer. Et ça, c'est un point assez négatif, je trouve. Quand on a déjà payé, vous voyez, la console, le jeu et tout, qui sont quand même pas donnés, devoir encore repayer pour jouer en ligne, c'est pas tip-top, je trouve. Donc c'est l'un des seuls points négatifs que j'aurai donné à ce jeu, parce que franchement, cette adaptation me convient tout à fait, moi je la trouve vraiment bien, il y a de quoi quand même satisfaire les personnes qui aiment un peu la stratégie, parce qu'il y a de ça, il y a de quoi satisfaire les personnes qui simplement veulent jouer tranquillement, détendre, pour juste parce qu'ils aiment bien Pokémon, parce que c'est quand même une licence légendaire, on va dire, et parce qu'ils ont une Nintendo Switch. Ou juste le je sais pas moi, cette personne qui veut juste jouer comme ça 5-10 heures. En plus, ça, le format de capture est assez sympathique, parce qu'en fait, il faut détacher les Joy-Con et bouger les Joy-Con d'une manière assez spécifique pour capturer les Pokémon. Donc c'est assez sympathique aussi, les captures se font tout en amusement, on va dire. C'est pas un truc bête, poum, avec les Joy-Con. Donc franchement, vraiment que des points positifs pour ce jeu, que je vous conseille très fortement, qui est exclusivement sur Nintendo Switch. Pokémon Let's Go, Pikachu et Evoli. Donc évidemment, comme vous aurez deviné au nom, les starters seront soit Pikachu, soit Evoli en fonction des versions. Et le Pokémon légendaire sera le même dans les deux versions. Il sera Mewtwo. Il n'y aura pas de changement parce que Mewtwo, c'est le Pokémon légendaire là-bas. Donc voilà, il n'y aura que ça. Et au niveau de tout ce qui est bug, duplication de... Enfin, clonage de Pokémon, duplication de Super Master Ball et tout, j'ai pas encore essayé, donc je peux pas vous dire si ça marche. Donc voilà, mais j'espère que ça marchera, parce que c'est marrant, avoir les starters en x25, c'est toujours amusant. Bon. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et à toutes sur Radio Gamozo, et on se retrouve la semaine prochaine, lundi, même horaire, pour un prochain coup de cœur. À la semaine prochaine!